all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Berlin, du bist so wunderbar, Berlin. Hallo, guten Tag, bienvenue à vous, folgen Sie dem Führer, suivez le guide, vous invite à Berlin. Le gouvernement est-allemand a annoncé ce soir, il y a moins d'une heure, l'ouverture immédiate de la frontière interallemande pour les candidats à l'émigration comme pour ceux qui veulent simplement voyager à l'étranger. 1989-2019, les 30 ans de la chute du mur commémoraient très précisément le 9 novembre 2019. À 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Berlin, première ville d'Allemagne, 3 750 000 habitants, fondée au XIIIe siècle, Berlin fut capitale du royaume de Prusse, puis de l'Empire allemand, de la République de Weimar, du Troisième Reich et depuis 1990, capitale de l'Allemagne réunifiée. C'est une capitale européenne qui bouge, attire, véritable centre culturel et artistique de premier plan en Europe. Nous sommes à près de 1000 km au nord-est de Paris. Dans ce Suivez le guide berlinois, nous découvrirons l'un des musées les plus populaires de Berlin, le musée de la DDR, situé à Berlin-Mitte, sur les bords de la Spree, à quelques mètres de l'île au musée, en compagnie du docteur Stéphane Wolle, son directeur scientifique. Mais retrouvons une nouvelle fois notre guide, qui nous invite à faire le mur de Berlin. Nous sommes tout près de la Potsdamer Platz. À 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Hallo, ich heiße Stefano Gualdi, ich bin Italiener. Ich wohne in Berlin seit 19 Jahren und ich bin hier in Berlin als Gästeführer tätig. Ça c'était la version allemande, Stefano. On peut essayer la version italienne? Buongiorno, sono Stefano Gualdi, vivo a Berlino da 19 anni come italiano, emigrato in questa bella città e dove lavoro come guida turistica. Et pour nos amis, celles et ceux qui nous écoutent, on va préférer la version française. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Stefano Gualdi, je suis italien. Je vis dans la capitale allemande, Berlin, depuis 19 ans et je travaille comme guide de tourisme. Ce qui est vraiment bien fait aujourd'hui quand on marche dans ces rues qui étaient les rues de la séparation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, c'est qu'il y a toujours des panneaux avec les photos d'époque hein, pour se rendre compte comment c'était. Alors on voit le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui et à l'époque du mur sur la photo. Donc à l'endroit où on est, il y avait un mur. Ce mur passait entre deux bâtiments officiels. Hein. À côté ouest, le musée, ouais. Martin Gropius, Bau, ouais, salle d'exposition. Avant c'était un musée de l'art décoratif. C'était déjà un musée, oui. 19e siècle, on voit la façade. Même époque, mais un style différent. C'est la maison des parlementaires, qu'à l'époque du Troisième Reich, c'était le casino des officiers de l'aviation nazie. L'aviation nazie, c'était représentée par le ministre Göring, c'était aussi le président de la Prusse. Et lui, Göring, il voulait un siège plus grand de la chancellerie d'Adolf Hitler. Et ici, on voit l'ancien bâtiment de l'aviation du Troisième Reich. Ce n'était pas seulement militaire, c'était aussi l'aviation civile, le tourisme. Hein. Et c'est un bâtiment énorme, 2000 chambres, 2000 bureaux, qui vient pas bombardé pendant la guerre. C'est le seul bâtiment pas bombardé ici. Vient utiliser. Et le musée a été bombardé? Absolument, oui. Ah oui, donc là, il est reconstruit l'intérieur, oui. Ouais. Ils ont laissé deux sculptures à l'extérieur pour montrer la situation comme elle était. Ah oui, les sculptures à l'entrée qui sont décapitées en mauvais état. Et là, c'est l'ancien ministère de l'aviation du XIIIe Reich. Devient 49, maison des ministères de la RDA. Là, octobre 49, vient fonder la RDA, ici dedans. Et 1990, vient organiser la réunification de l'Allemagne à niveau économique, financier, et devient donc ministère des Finances. Et si on veut prendre un peu de hauteur, eh ben on peut prendre place à bord d'un ballon captif, d'une montgolfière captive, et s'élever à peut-être, je sais pas, 200-300 mètres. 150 mètres. Ah, pas plus, 150 mètres. On a quand même une. Devant, c'est beaucoup. Hein. Ah, oui. Donc il y a toute une portion de mur, là, qui est préservée. Ça, c'est vraiment ce mur original. 200 mètres à peu près, toujours été ici. Et là, s'appelle cette lieu Topographie de la Terreur. C'est relié à l'histoire de l'Allemagne de l'époque nazie. C'était la centrale de la Gestapo SS, la police secrète, non, le service secret de la SS, donc la section la plus terrible. Donc ici a travaillé Himmler et aussi Heydrich. Donc ici, ils ont théorisé la persécution des Juifs, et ils ont théorisé la solution finale, décidé d'éliminer physiquement millions de personnes, simplement parce qu'ils sont d'une autre race, ou parce qu'ils sont tous homosexuels, ou oui, tziganes, etc. D'un côté, on a l'ancien ministère de la Troisième Reich, original 100%, transformé au ministère de oui, donc finances. Ce bâtiment-là, hein, donc, ouais, qui est en face de nous, ben, gris, blanc comme ça. Crème, oui, oui, c'est la pierre naturelle. Donc il n'avait pas été détruit. Pas du tout. On ne sait jamais, c'était fait exprès, on dit, pour avoir minimum un bâtiment entier d'après la guerre. Et là, on passe les murs entre les deux bâtiments, et là, on est sur les lieux où il y avait la Gestapo, et on voit les anciens souterrains de la Gestapo, où là, ils ont torturé, assassiné les opposants. D'après l'épisode, quand les parlements, les Reichstag brûlent, Hitler décide que c'était un complot communiste. Donc il laisse kidnapper 6 000 à 7 000 opposants et sont envoyés dans un nouveau camp de concentration dans la ville d'Oranienburg, ici à Berlin, et une partie éliminée. Vous ne pouvez pas vous imaginer pour un Allemand de l'Ouest, qu'est-ce que ça veut dire d'aller au Brandenburger Tor, d'y passer et de le toucher, disons. Et c'était ton rêve de toucher la porte de Brandenburg. Oui, mais enfin, un peu tous les Berlinois, c'est ça. C'est vraiment l'imagination. Ici, pour un Berlinois, c'est le symbole de toucher ça. Il y a des vieux films, par exemple, où on voit les voitures passant du Brandenburger Tor. Et bon, pour les Berlinois, et surtout pour moi, c'est vraiment un rêve d'y passer. Donc là, ce qu'on voit, effectivement, il y a des vestiges avec des briques. Ce sont les sous-sols de la Gestapo. Face au Parlement, il y a un mémorial pour les parlementaires assassinés. Et là, ce bâtiment ? C'est le centre de documentation sur la Gestapo SS. Ah oui. Donc là, on peut venir éventuellement faire des recherches ou c'est grand public ou c'est pour... C'est gratuit, il y a des vidéos, il y a des images, c'est très bien fait, il y a une cafétéria. Et là, on voit par exemple que la SS, ça commence comme la garde personnelle d'Adolf Hitler, Popo devient quelque chose de différent, devient par exemple... L'armée aussi, non ? La Waffen-SS. Hein. Ils ont fait des barbarités en Italie, en France. Mois de guerre. Bien sûr, Radour-sur-Glane, etc. 44, et surtout en France, contre les partisans, contre l'Italie aussi. Ils ont été la SS et surtout la Waffen-SS ont été des jeunes, des 17 ans, des 18 ans maximum. Ils ont été indoctrinés. On voit aussi que la SS, à la fin de la guerre mondiale, c'était énorme. Hein. Et ils sont restés des SS en France, en Italie. Une grande partie se sont rendus dans l'Amérique du Sud grâce à des accords, grâce à des passeports. D'après la guerre, il y a la dernière session de l'exposition, nous montre des anciens, des officiers de la SS, des gens très importants, qui ont continué tranquilles à travailler jusqu'à les années 70 en Bavière, en Autriche. Les juges du 13e Reich sont devenus présidents du tribunal. Sont devenus les autres officiers de la SS, chefs du personnel de quelques entreprises d'automobiles très connues, tout bien placé. Parce qu'il y avait la guerre froide. Donc la priorité, c'est plus la chasse aux nazis. C'est la chasse aux communistes. Ah oui, c'est comme ça. C'est donc, ils ont changé complètement la perspective. Les anciens SS et les Allemands et la Gestapo SS sont des professionnels, des vrais anticommunistes. Et donc, ils ont travaillé comme consultants, comme pour beaucoup de gouvernements. Et ils ont été laissés tranquilles. Hein. Sauf les cas, par exemple, des commandants de camps de concentration ou choses Eichmann, comme ça. Par exemple, Eichmann qui vient kidnapper par les Mossad en Argentine, hein, vient processer. Il y a eu quelques procès, il y a eu le procès aussi, c'était le procès de Francfort dans les années 60. Oui, c'était à cette cause des étudiants, surtout des politiciens de gauche. Extrême gauche, qu'ils ont vraiment dit, c'est un scandale. Que maintenant, il y a encore des vieux nazis qui en carrière, en pleine carrière. Donc il y a un procès qui s'appelle l'Auschwitz procès, fin des années 67-68. Ils ont condamné 4 et 5 ans de prison. Oui. Quelqu'un qui a fait 2 ans, peut-être maximum, et il est sorti. In dieser Stadt wirst du an alledem gemessen. Was deutsches Gut und deutsche Wut zu bieten hat. Was hier nicht los ist, kannst du ganz getrost vergessen. Mit einem Wort, Berlin, ich liebe diese Stadt. Na, na, na, na. Les nazis qui étaient habillés par Hugo Boss. Bah, ça c'est quelque chose. Hein. C'est en effet que c'était l'uniforme de la SS. Qui a été dessiné. Dessiné, mais il y a, je pense que les héritiers, ils n'ont rien à faire. Non, non, bien sûr que non. Et c'est comme dire que Le Corbusier a travaillé pour Pétain. Oui. Et donc il était un fasciste. C'est pas vrai. Hugo Boss et plein d'autres avaient quand même adhéré au parti nazi. Herbert von Karajan aussi, me semble-t-il. L'ingénieur Ferdinand von Porsche. Qu'il travaille pour le Troisième Reich, bien sûr, pour le gouvernement. Il a créé la voiture du peuple, la Volkswagen, juste avant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Donc, il vient pas produit, la voiture vient produite d'après la guerre mondiale. Donc, il était un constructeur d'automobile, un grand ingénieur, un génie, qui, pendant la guerre, il s'occupait des autres choses. Donc, il a transformé la maison d'automobile de Wolfsburg, de Volkswagen, dans un lieu de production des chars. Des missiles. D'après la guerre, il était un prisonnier. Il a fait quelques ans de prison. Et d'après, il a recommencé à produire des voitures. Mais on ne peut pas dire que la Porsche est une voiture de droite, non. C'est une grande belle voiture. Un autre exemple, c'est par exemple l'équipe des chercheurs autour de l'ingénieur Werner von Braun. Oui. Von Braun, non, qui était les chefs du projet V1, les missiles. D'après V2, la V3, c'était... capable, cette missile, d'arriver jusqu'à Londres. Mais lui était, avec toute l'équipe de ses collègues, transféré dans les États-Unis. Ils sont devenus citoyens américains. Et c'est grâce à lui qu'il y a les projets Mercury et d'après Apollon. Oui, c'est ça. Si l'homme est allé sur la Lune, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Peut-être 20 ans après, mais avant, 20 ans avant avec lui. Mais c'était une époque. Vous êtes, par exemple, l'architecte Albert Speer. C'était un bon architecte. C'était l'architecte d'Hitler, du parti aussi. Il avait envie de travailler. Et donc, les dictateurs, les gouvernements vous mettent en condition de réaliser votre projet. Là, c'est toujours la question morale. Qu'est-ce qu'on fait, hein, on se laisse un petit peu, comment dire, manipuler. On reste dur, pur, et on laisse... On s'en va, éventuellement, on quitte le pays. Oui. Certains sont partis aussi. Par exemple, les architectes, Miss van der Rohe et Walter Gropius... C'est 5 ans Bauhaus. Oui, c'est ça, c'est le 100e anniversaire de Bauhaus. Bauhaus, c'était une école, ouais. une école qu'il a rénovée complètement. L'architecture, la photographie, la mise en scène, l'image, la communication visuelle, etc. Qui commence à Weimar. Et là, 33 gagne les élections Hitler, donc il y avait, comment dire, la diaspora. Gropius et Miss van der Rohe travaillant dans les États-Unis. Ils sont partis. Donc il y avait quand même... une décision à prendre. Là. Certains sont partis, certains sont restés. Lui, l'homme de Berlin, car lui, l'homme de Berlin, chercherait aussi l'oubli. Il est parti trop loin, car pour user sa vie, il n'y a pas que Berlin. Dans chaque visage, je ne vois que lui, et dans chaque nuit, je dors avec lui. Lui, l'homme de Berlin, sous quel ciel grâce passe-t-il sa vie et dans quel Berlin draine-t-il sa vie? Lui, l'homme de Berlin. À Berlin, à l'occasion de l'anniversaire, les 30 ans de la chute du mur, nous suivons le mur avec notre guide Stefano Gualdi de la Potsdamer Platz en direction du célèbre Checkpoint Charlie. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Il y a un petit point de vente là, entre les piliers d'une maison, à Mitte. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Alors c'est de l'authentique ou c'est refait aujourd'hui, c'est fabriqué en Chine, non c'est... Qu'est-ce qu'on peut acheter à côté du mur de Berlin? Des morceaux du mur de Berlin, originaux, peut-être. C'est pas écrit Made in China, non, c'est pas ça. Des masques, gaz, des... Originaux. Des uniformes, de la... Ah, ça c'est vraiment de la nostalgie. Hein, tu as parlé avant, de la nostalgie, ce sont des uniformes, des chapeaux, des choses appartenant à l'armée, Volks, à la fois l'armée du peuple, mais aussi l'Union soviétique. Hein. Je vois beaucoup des images de l'uniforme. Mais il y a aussi des matrioskas, il y a un petit peu de tout. Oui, des médailles, des médailles. On montre les kits, il y a aussi Che Guevara, Bob Marley à côté. Il y a quelqu'un qui dit que tout était refait maintenant de nouveau en Chine, donc provient de ça, la Chine. Oui, c'est ça. Et les brassards, Helfer der Volkspolizei, oui, collaborateur de la, police du peuple. Et puis de l'autre côté, hop, alors là on peut manger des saucisses. I love Berlin. C'est Trabi World. Trabi World, voilà. Ouais, c'est l'agence qui l'a acheté une grande partie des voitures Trabi, comme on disons ici. Voiture en plastique avec le moteur de la moto. C'est 600 cm cubiques de tempe. Donc, une voiture pas très puissante. Ça pue, hein, quand on fait un tour en Trabi. Très polluant. Puis même à l'intérieur, hein, on est à moitié intoxiqué, même quand on fait un petit tour en voiture. Donc, ont été achetés en partie par cette agence qui organise des safaris. Des colonnes de voitures. Des safaris urbains. Oui, une heure, deux heures maximum. 6 voitures à la fois, vous conduisez vous-même la voiture, ça fait rigoler. Donc... Ouais, c'est ça. Ça, c'est la nostalgie, alors. 4 Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für 4 Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig. Schnell. Ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. C'était une voiture, c'était un rêve. Hein. Au moins, avec la voiture, vous étiez un petit peu indépendante et libre, dedans votre voiture, pas contrôlée par la Stasi. Personne ne vous écoutait dans la voiture. Ah, donc c'était... Parce que sinon, ils étaient sous écoute. Et voyager un petit peu, être indépendant. C'était plus cher, la voiture, acheter des second-hand. Oui, d'occasion. Plus cher, des voitures. Ah, plus cher. Oui, parce que vous avez payé et... Vous êtes sorti avec la voiture. Ah oui, on l'avait tout de suite. On n'attendait pas 5 ans. Donc les voitures d'occasion plus chères des voitures nouvelles. On arrive maintenant tout près de Checkpoint Charlie. Bah, y a plein de groupes. Hein. Ah, alors on s'arrête pourquoi là ? Il y a tout un groupe de touristes. On y a écrit dans les sols, dans les centres-villes. Il y a marqué avec un double course des briques au sol, les parcours d'humour. Il y a quelquefois écrit Berliner Mauer, 1971. 1989. On nous rappelle, c'était la frontière 28 ans, la frontière physique. Même si le mur n'a pas perduré, on peut marcher, là on peut vraiment marcher, on peut dire marcher sur le mur quand il n'y a plus de mur. Et c'est un terrain vague ici, qui était maintenant, sont en train de terminer des bâtiments, des logements, des luxes, hein, ici à côté du mur, parce que c'était un problème. Par exemple, les propriétés des maisons sont été volées par la SS, la Gestapo, sont été maisons des familles juives, étatisées par l'Union soviétique, qui a donné cet immeuble à la RDA. Et donc, pendant toute l'époque de la RDA, il n'y avait pas beaucoup de propriétés privées. Donc, ça reste la question qui appartient à ces bâtiments, etc. Ça, on recherche aujourd'hui encore des descendants des familles qui étaient propriétaires. On ne cherche pas, mais on laisse dans la banque de l'argent... Pour compenser la famille. C'est si quelqu'un vient et dit « je suis descendant », c'était la maison de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Oui, c'est pas très simple parce que tous les papiers et les documents sont été brûlés. Oui. On fait une petite pause ici, dans ce magasin des souvenirs. On peut boire aussi un bon café italien, un espresso. Laissons Stefano prendre sa pause expresso, nous le retrouverons à Checkpoint Charlie et rendons-nous au numéro 1, Karl Liebknecht Strasse, en face de la cathédrale, de l'île au musée, pour découvrir le musée de la Deutsche Demokratische Republik. Nous y avons rendez-vous avec son directeur scientifique, Stefan Wolle, qui a grandi à l'Est. Et nous retrouvons aussi notre traductrice préférée à Berlin, Sabina Hamm. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Docteur Stéphane Voller, nous allons découvrir avec vous le musée de la DDR. Vous en êtes le directeur scientifique et puis Sabina va assurer la traduction. On peut dire, et je pense que ça vous rend heureux, que le musée de la DDR, c'est l'un des musées les plus populaires de Berlin. Oui, mais nous sommes un musée dans tous les musées de la ville de Berlin, mais nous sommes très très heureux parce qu'il y a beaucoup de monde. Et le dernier jour, normalement 2000 visiteurs par jour. Voilà, 2000 visiteurs dans la journée, même 2500 même hier. Un jahr, ungefähr eine halbe Million Besucher. Chaque année, 500 millions de visiteurs. Non, 500 millions, c'est peut-être beaucoup. 500 000, halbe million. 500 000 visiteurs chaque année, pardon. Et on est tout à côté de l'île au musée. Donc, effectivement, on est dans une partie de Berlin où il y a énormément de musées. Quelques mots, Dr. Stéphane Voller, sur l'histoire de ce musée de la DDR. C'est un musée privé. Ja, wir haben hier im Zentrum von Berlin eine außerordentliche Konzentration von sehr interessanten Museen. Oui, nous sommes dedans un centre de vie où sont les grands musées, le musée de l'antique comme Pergamon Museum jusqu'à le musée d'art moderne. Es gibt keine Konkurrenz bei Museen. Yeah. Also das eine zieht immer das andere an. Il n'y a pas une situation de concurrence entre les musées. Tout le monde arrive ici pour voir des musées et il y a des autres musées aussi bien visités. Un musée privé? Yeah. Wir sind ein Privatmuseum. Notre musée il est 100% privé. Il n'y a aucune centime de l'État. Nous réalisons notre budget avec l'entrance et avec le Museum Shop. Ouais, c'est ça, donc la boutique et puis les entrées, effectivement. Wieder Soldaten durch die Stadt marschieren, die für den Weltkrieg Nummer 3 trainieren. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß, weil kein Ami-Panzer ohne Lanzer rollt. Ja, bloß, weil kein Ami-Panzer ohne Lanzer rollt. La petite ou la grande histoire de la naissance de ce musée, qui a pris la décision de créer le musée? Est-ce qu'on pouvait percevoir une demande à Berlin pour un musée qui allait raconter la vie à Berlin et dans l'Allemagne de l'Est? Est-ce qu'il y avait un besoin de cette histoire-là et de ce musée? Notre musée est gegründet worden im Jahre 2006. Notre musée est fondé en 2006. Übrigens am 14. Juli. Le 14 juillet. Das ist der große Tag der Freiheit in der Geschichte, aber ich glaube, das war Zufall. C'est le grand jour de la liberté dans l'histoire humaine, mais c'est pas, comment on dit... C'était volontaire ou c'était un hasard? C'est par hasard. Ah, c'était un hasard, ok. In der Gesellschaft gab es seit 1989 eine große Debatte. Après 1989, il y a dans la société allemande une grande discussion. Wie geht man mit der Geschichte der DDR um? Comment on va faire avec l'histoire de l'ancien RDA? Am Anfang stand besonders das System der Staatssicherheit im Mittelpunkt. Au début, on est plus intéressé dans la Stasi, la police de l'État. Auch die Repression, die Gefängnisse der Stasi und die Mauer. Le centre pénitentiaire, toutes les répressions et le mur. Aber immer mehr Leute sagten denn, alles schrecklich gewesen, gut, aber unser Leben war davon nicht dominiert. Oui, tout le monde, tous les anciens habitants de l'Est Berlin, ils ont dit, oui, c'est horrible, mais c'est pas notre vie de tous les jours. Unser Leben war bunt, das war interessant, es gab auch Glück in der DDR, wir hatten eine glückliche Familie und Kinder und so weiter. Nous avons une vie normale comme tous les autres humains dans ce monde. Nous avons des familles, nous sommes aussi heureux. So dass immer stärker der ganz normale Alltag in den Mittelpunkt sowohl der Wissenschaft als auch der Museen geraten ist. Et la évolution, c'est qu'on n'est plus intéressé dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe quotidiennement avec les gens dans l'état de RDA? Aber ausgerechnet in Berlin, in der Hauptstadt, gab es nun kein Museum über den Alltag der DDR. Mais à Berlin, il n'y a pas de musée pour présenter cette vie quotidienne. Und da dachten wir, das müssen wir jetzt tun. Et ça va notre idée, on a besoin de faire ça. Donc alors, c'est un musée qui est en sous-sol, presque en sous-sol, enfin au bord de l'eau, au niveau de l'eau. Un musée avec énormément de choses à voir, très riche. Hein. C'est un musée où il faut ouvrir, tirer les tiroirs, ouvrir les portes. Le public doit être actif. Hein. C'est un musée d'ailleurs interactif, mais le visiteur, lui, doit être curieux de regarder partout où il a la possibilité de regarder. Quand vous avez conçu le musée, il y a eu un premier gros travail de collecte d'objets. Das sind alles Spenden. Ja, das stand damals in der Zeitung. Und sofort kamen unglaublich viele Anrufe und Mails und Briefe etc. von Leuten, die sagten, wir haben noch Sachen zu Hause und wir würden die gerne dem Museum anbieten. Ils sont tous des offertes livres de la population. Donc des cadeaux de la population. Oui, oui, ils ont dit, nous avons ces objets à la maison et on aimerait bien de vous donner pour votre musée. Das sind rund 300.000 Objekte. C'est une grande collection avec 300 000 d'objets. Dans l'exposition, ils sont seulement 1500. Un demi-pourcent, c'est ça. Est-ce que l'idée qui était la vôtre, c'est que le visiteur, en repartant, se dise, alors bien sûr, vous avez parlé de la Stasi, il y avait la surveillance, c'était pas la liberté de pouvoir voyager partout. Mais quand on sort du musée, on se dit, mais finalement, ces Allemands de l'Est ne vivaient pas d'une façon, dans les années 60, totalement différente de la nôtre. Quand on regarde les photos, qu'on voit comment ils vivaient, mais ils n'étaient pas si malheureux. Ja, das sagen viele unserer Besucher, aber wir verbinden la grande différence, c'est le contexte, pas les objets. Certainement, ils sont pareils avec les objets qu'on a dans l'Ouest, mais on prend aussi le contexte politique et social que les gens ont à cette époque. Et ça fait la grande différence, parce que la fourniture, c'est une fourniture. Oui, c'est ça. Donc le meuble, c'est un meuble, effectivement. C'était un peu le même mobilier à l'époque. Une frage qui est oft gestellt wird, ja. Auch von den Besuchern, die sagen, ach, war ja wie bei meiner Oma auch, ja. Oui, c'est la question que tout le monde fasse. Oui, c'est la même chose que dans la maison de ma grand-mère, mais c'est pareil. C'est ça. Il y a une différence quand même, c'est que les Allemands de l'Est n'avaient pas vraiment le choix. Sauf les ministres n'avaient pas vraiment le choix au niveau des marques automobiles. Ici, tout le monde roulait à peu près en Trabant, sauf on a vu la voiture du ministre qui est une Volvo. Et il fallait parfois attendre, et ça c'est bien expliqué, il fallait parfois attendre 16 ans pour pouvoir avoir une voiture. Das ist eben die große Kunst, ja. Man kann natürlich jetzt den Trabant vergleichen mit dem alten hässlichen. Oui, mais c'est ça, c'est la grande différence. On peut comparer Trabant avec Citroën. Comme la deux chevaux, c'est ça. Oui, mais dedans une exposition, on peut pas faire sentir les visiteurs que ce genre-là doit attendre 16 ans pour avoir son atout, son car devant la porte. C'est ça, sa voiture devant la porte. Et seulement la moitié des Allemands de l'Est avaient une voiture en 1985. Aujourd'hui, chez nous, ça c'est horrible parce qu'il y a des familles avec trois voitures devant la porte. Damals ein Fahrrad, dann hat man heute nur ein Fahrrad, ja. À ce temps-là, j'ai seulement une bicyclette et aujourd'hui, j'ai une bicyclette. Mais il faut préciser aussi qu'il existait la Trabant limousine, le modèle de la Trabant limousine existait, mais les ministres, eux, il y a une voiture qui est exposée, la voiture d'un ministre de l'Agriculture, lui roulait quand même dans une Volvo. Da steht da drüben, ja. In der DDR haben die immer behauptet, sie sind eine Arbeiter- und Bauernmacht. Und das war eben die Heuchelei. La contradiction, c'est qu'il veut avoir un État pour les travailleurs, mais à la fin, les présidents et les responsables dans la politique, ils vont choisir les grands modèles internationaux. Alors je pense que ce qui frappe aussi, ce qui nous frappe aussi, nous, visiteurs, par exemple, venant de France, c'est aussi combien le naturisme, la vie proche de la nature, mais nue, était populaire à l'époque. Ja, das war in der DDR sehr, sehr populär. Oui, ça c'est une grande tradition, le nudisme dans la culture de la DDR. Mais il n'est pas forcément connecté avec l'histoire ancienne du nudisme dans l'Allemagne. C'est une chose bien spécifique de la DDR. c'est seulement un petit espace de liberté pour les gens. C'est les gens, ils aiment bien de faire ça et l'État, il le laisse. Cette petite liberté, l'État, il l'a accepté. Amidst the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night, you feel in all your sorrow a perfume as of a sweet tomorrow. That's when you realize at last they won't return, the phantoms of the past. A brand new spring is to begin out of the ruins of Berlin. Dans la partie plus répressive, vous avez reconstitué une cellule de prison et vous avez reconstitué également une petite pièce d'écoute de la Stasi où la population était écoutée, car la population, ça on l'a beaucoup dit et redit, était vraiment très écoutée. Genau, so, wir wollen das ja verbinden, ja. Hier ist sowohl. Mais ça c'est la réalité. La réalité c'est la maison où nous avons habité. Il y a côté la centrale d'écouter des Stasi, d'observation aussi. Mais ça c'est la vie quotidienne et ça c'est notre vie dedans et ça. Et on a essayé ici de montrer au public, aux visiteurs, comment on a habité à ce temps-là. Ce qui fait que cette population, les Allemands de l'Est, s'ils souhaitaient parler sans crainte, il valait mieux qu'ils parlent en extérieur. Et encore, ils prenaient le risque que la personne à qui ils s'adressaient était peut-être un agent de la police secrète. Yeah. Donc à quel moment les habitants pouvaient-ils s'exprimer librement ? Das ist richtig. Das liest natürlich in den allerletzten Jahren deutlich nach. Après 1985, ça a bien changé aussi déjà dans l'état de la DDR. Ce n'est pas seulement un changement après la chute du mur, c'est bien en avant et c'est bien connecté avec les évolutions dans la Soviétunion. Alors, je pense qu'il y a aussi une partie dans ce musée de la DDR qui plaît beaucoup aux visiteurs, c'est de pouvoir entrer dans l'appartement d'une famille de Berlin-Est. Quand on ouvre justement dans l'appartement, on ouvre une porte d'une armoire et on voit une reconstitution du concert de Bruce Springsteen peu de temps avant la chute du mur. Ça a été ici à Berlin-Est et Bruce Springsteen est venu chanter côté Est. Hein, à Berlin-Est, c'était un concert pour calmer peut-être les envies de liberté de la population, dire on a Bruce Springsteen à Berlin-Est. Ça a été un événement très important dans la fin de cette période de l'Allemagne de l'Est, ce concert ici à Berlin. Bruce Springsteen war hier in Ost-Berlin, ja, 1988 im Sommer, weil die Staats- 88, oui. Ja, genau, weil die Staatsführung wollte. Bruce Springsteen, c'est une invitation de l'État de la DDR, de la RDA ici à Berlin-Est, parce qu'ils sont intéressés aussi d'inviter les autres artistes comme Joe Cocker, Bob Dylan, pour satisfaire la jeunesse. So kam das dann zu einem riesengroßen Konzert. Bruce Springsteen, ça va un grand concert avec 300 000 visiteurs, oui. Un année avant la chute du mur. Qu'est-ce qui frappe en général les jeunes Allemands quand ils visitent ce musée? Das ist schwer zu sagen, weil so viel fragen die meistens gar nicht. Ça c'est un petit peu difficile parce que la majorité, ils ne demandent rien, ils ne posent pas de questions. Die älteren Leute fragen mehr, die es noch erlebt haben. Les jeunes, ils ne demandent pas beaucoup, mais les gens plus âgés, ils demandent beaucoup. Et ils ont beaucoup de remarques à faire, mais ce n'est pas bien comme vous a présenté, ça c'est différent. Mais la jeunesse, ils vont faire des autres questions. Il n'y a pas de PC, d'ordinateur dans la RDA, parce qu'ils ne connaissent pas les anciens téléphones, les anciennes manières d'écrire. Et pour lui, ces choses-là, elles sont plus intéressantes. Le drapeau de tes yeux flottait dans le ciel de Berlin. Des bourgeons farfelus s'ouvraient aux arbres de l'hiver. Une musique planait dans l'air. Pas militaire. Pas militaire. Mais non, pas militaire. Comment aurais-tu pu marcher au pas, cher Oula? Les guerres se sont-elles jamais faites au son du clavecin? Tu marchais pieds nus sur les glaçons ardents de la rue. On a fragen nach der Gleichberechtigung der Frau, solche Fragen, die heute auch in der aktuellen Diskussion sind. Das wird viel gefragt, wie das gewesen ist mit. Leurs questions sont plus comment ça se passe avec la position de la femme dans la société avec les homosexuels et tout ça sont des choses plus centrales pour les jeunes aujourd'hui. Projizieren ihre aktuellen Fragen. Comment a fait avec le passé des nationalsocialistes? Comment ils ont dialogué avec les jeunes dans les écoles et dans les institutions de la DDR sur ce temps-là, le temps de Hitler? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils ont abordé cette phase historique? Im Vergleich Ost-Ouest, das ist interessant, ja. Et ça, c'est très, très intéressant qu'on va comparer l'Est avec l'Ouest. Est-ce que vous continuez à étoffer la collection? Alors 300 000 pièces, est-ce que vous continuez à ajouter? Natürlich, aber wir müssen auswählen. Und wir On a besoin de demander qu'est-ce que sont les pièces intéressantes dedans 100 années. Et il y a des objets qu'on a trop, comme des frigos. On a besoin de plus de frigos. Es kommen sehr viele Anrufe bei uns oder Mails von Leuten, die haben noch was zu Hause. Et beaucoup de monde nous demande par téléphone et mail. Ils ont des témoins de ce temps-là. Les lettres, les journaux personnels. Journal intime. Oui, oui, le journal intime, les lettres. Et on va aussi collectionner ces pièces-là. C'est ça. Il y a d'ailleurs un journal d'une dame qui note au jour le jour les objets ou ce qu'elle ne trouve pas dans les magasins. Quand elle veut acheter telle ou telle chose, elle dit j'ai pas pu acheter ça. Das sind natürlich sozusagen die. Der Goldstaub in unserer Sammlung, sowas. Ça sont des pièces centrales dans notre collection. Cet témoignage. Qu'est-ce qu'on trouve plus dans le magasin? Parmi les visiteurs, il y a quelques personnes. Enfin, il y a des personnes qui sont vraiment des nostalgiques de l'Est, ou on dit nostalgiques. Ja, das schadet aber nichts. Das akzeptieren wir so. Wenn jemand kommt und sagt, il n'y a pas de problème. Quelqu'un arrive ici et devant le petit Teddy, il va dire, eh, mais j'ai un poupée comme ça quand je suis petit, je l'aime bien, mais c'est bien accepté. Keine Nostalgie, wenn man sagt, ich hatte eine schöne Kindheit. Il n'y a pas de nostalgie qu'on a dit, oh, ma jeunesse, elle est bonne. J'ai un bon temps quand je suis une petite enfant. Personne n'est jamais venu en disant, je travaillais pour la Stasi, et qu'est-ce que j'aimais écouter les autres. Wir machen ja auch ein Veranstaltungsprogramm und da haben wir schon mehrfach Diskussionen gehabt mit ehemaligen Mitarbeitern der Stasi. Ja, das machen wir. Oui, on a des rencontres spéciales. Ils participent aussi des gens qui ont travaillé pour la Stasi. C'est important de rentrer en dialogue entre eux. En tout cas, ce qui est, docteur Stefan Wolf, ce qui est assez incroyable, enfin, je pense que c'est toute la journée comme ça, depuis qu'on a commencé notre enregistrement, depuis que je suis arrivé au musée, la personne à la caisse n'a pas une seconde de répit, il n'y a jamais un temps d'attente entre les deux personnes à la caisse. Il y a toujours quelqu'un à la caisse, hein, toujours, toujours, toujours, et il y a toujours une file d'attente devant le musée. Hein. Ja, c'est richtig, ja. Toujours. Toujours, hein. Incroyable. Hein. Merci beaucoup. Hein. Danke schön. Il a eu le temps de prendre son café italien, Stefano Gualdi, avec qui nous allons terminer ce Suivez le Guide à Berlin. Notre thématique, c'est le mur. L'étape incontournable, c'est bien évidemment le célèbre Checkpoint Charlie. Voyagez les yeux fermés. Suivez le guide. I am proud. Come to this city as the guest of your distinguished mayor, who has symbolized throughout the world the fighting spirit of West Berlin. There are many people. Nous allons terminer, Stefano, notre découverte de Berlin ensemble. C'est l'un des points les plus connus à Berlin en lien avec le mur de Berlin. On le voit pas là, encore d'ici. Il est tout près, le fameux Checkpoint Charlie. Hein. Charlie, premièrement, pourquoi s'appelle Charlie? C'est pas un soldat, c'est pas quelqu'un. C'est simplement l'alphabet militaire. Donc Alpha, Bravo, Charlie, c'est les troisièmes, simplement, les troisièmes post-frontières contrôlées par l'armée américaine. Il y avait tout autour de la ville ouest, principalement 8 post-frontières sur l'axe nord-sud. On a 7 post-frontières, c'était la gare de Friedrichstrasse, donc pour les trains. Les autres dans la rue sont été 7. Il y avait des post-frontières pour les citoyens de la RFA. pour entrer. Des passe-frontières pour les citoyens de Berlin-Ouest. Des passe-frontières pour les étrangers, par exemple ici, Checkpoint Charlie. Aussi pour les corps diplomatiques et les professionnels, c'est-à-dire l'armée. Ah, donc c'était donc, en fonction de qui on était, on passait à tel ou tel checkpoint. Oui, des professionnels. Alors, du coup, j'ai pas bien, il y avait un checkpoint Alpha, un checkpoint Bravo. Exact. Les, ah oui, les Américains ont appelé les trois postes-frontières... Alpha, Bravo, Charlie. Alpha, Bravo, Charlie. Mais on les a oubliés, Alpha et Bravo. Hein. Bravo, on voit Bravo quand on arrive du sud. Oui. Par exemple, on rentre à Berlin, à travers Dreilinden, on voit vraiment encore toutes les installations sur l'autoroute. Ah oui, oui. Mais en même temps, le nom qui est passé à la postérité, c'est pas Alpha, c'est pas Bravo, c'est Charlie. Hein. Oui, il y a une raison historique. Quelques mois, deux mois après la construction du mur, on est en octobre 61. Déjà passe un problème très grave. Côté oriental, côté est, ils ont arrêté un diplomaticien de l'Ouest américain et l'ont lui accusé d'être un espion. Les chefs de l'armée américaine, le général Clay, il a envoyé des chars pour menacer. Donc il y a une confrontation directe États-Unis et Union soviétique, octobre 61. Pendant deux journées, sur tous les journaux du monde entier sortent la nouvelle, peut-être va commencer la Troisième Guerre mondiale à cause de la confrontation des chars de Checkpoint Charlie à Berlin. Increasingly complex in its defenses. Travel between East and West Berlin was still required, though through highly regulated checkpoints. Checkpoint Charlie was one of several such crossings. As the name suggests, Charlie is the NATO phonetic for the letter C. And there was also a checkpoint Alpha and checkpoint Bravo. Located at the junction of Friedrichstrasse with Zimmerstrasse and Mauerstrasse, it is important because it was the single crossing point for foreigners and armed forces personnel between East and West. The checkpoint itself on the US side was a simple white wooden shed with a flagpole. On the East German side was the Berlin Wall, a watchtower, zigzag barriers, and later a multi-lane shed to check vehicles and occupants. Rentre dans la littérature, les checkpoints Charlie, surtout parce que des écrivains, par exemple Jean Le Carré, ou surtout Ian Fleming, James Bond, ils ont introduit toujours le sept nom checkpoint Charlie dans des livres, non? Oui, puis ça sonne bien, il faut reconnaître que oui, ça sonne bien. Ça sonne bien. ça sonne mieux que Alpha ou Bravo. Ah. Checkpoint Charlie, non ouais. Les Checkpoint Charlie, donc, rentrent dans la littérature. Il y avait premièrement un petit garite en bois avec les JM américains, les policiers qu'ils ont entendus. Donc, substitué par une grande garite, on voit ici la première, c'était une réplique à l'identique de la première garite en bois ouais, mais blanche. Mais alors là, il y a plein de chars. Hein, des là, années 60, cette photo. C'est le moment de la confrontation. C'est la fameuse confrontation. Oui, ouais. C'était juste l'an avant de la crise des missiles de Cuba. Ouais. Non, c'était là, les moments topiques de la guerre froide. Ça a commencé à monter, là, la tension montait. Oui, d'un côté, il y avait JFK Kennedy, le président américain. De l'autre, Nikita Khrushchev. À l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones rouges pour se parler directement. Il y avait des conseillers et militaires. Ils ont essayé de créer la guerre mondiale, de créer les conditions pour recommencer la guerre. Les conseillers militaires avaient envie. Et envie de tester les armes nucléaires. Ah oui, c'était tellement bien. Nous avons plus de les Russes, etc. Donc, Dr. Stranamor. Oui, Dr. Follamour. Hein, c'est un film. Dr. Strangelove de Kubrick. De Kubrick, c'est traite ces thèmes. Hein. Avec Peter Sellers. Ouais. Qui augmente, c'est rond d'un effet domino. Boule de neige, qui augmente. Ils ont trouvé la façon, la manière de communiquer à travers des intermédiaires, les deux présidentes, et ils ont découvert que personne n'avait envie de faire la guerre. Ouais. Checkpoint Charlie. Les derniers garites s'est conservé dans les musées des Alliés, dans le quartier de Dahlem, à l'ouest, sud-ouest de la ville, il y a le quartier des Alliés, où on voit tous les uniformes français, des maquettes belles, on voit là, des belles choses, un morceau de mur, l'avion, les wagons étaient... Et ça, c'est où, ça? Dans les... ça s'appelle Musée des Alliés. Musée des Alliés. Alliierte Museum. Dans les quartiers d'Alem, d'après Charlottenburg, vers sud-ouest de la ville. C'était l'ancien secteur américain. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Il y avait d'un côté ouest comme une plateforme, on voit ici JFK Kennedy. Donc, il était où John Fitzgerald Kennedy? Ici, à droite, vers le sud, ça veut dire sous la Friedrichstrasse, parce que ça s'appelle Friedrichstrasse, c'est l'axe nord-sud de la ville. qu'il trouve la Unter den Linden, c'est l'axe est-ouest, donc c'est le carrefour plus important de Berlin, c'est ici. On est sur l'axe vers l'ancien aéroport nazi de Tempelhof. Mm-hmm. Qui est fermé depuis quelques années. Il y a quoi aujourd'hui à Tempelhof ? C'est un parc. 300 hectares d'espace pour griller... Des saucisses. Des saucisses. Et on ne va pas construire. Ça va rester vert. Et bon, nous, les citoyens, on a voté pour laisser le parc comme ça, ouvert, mais il y a la volonté de bâtir là-bas des logements. Et on va voir, parce qu'ils ont déjà vendu le terrain, par exemple, aussi de l'aéroport de Tegel, va être fermé aussi. On va passer là, un safari des Trabants. Ah oui, c'est voilà. La colonne des voitures. Conduite par des touristes. C'est comme à l'époque, hein, y a les parents, les enfants derrière. La carrosserie, c'est en plastique, comme ça, elle est plus légère, la voiture. C'est une voiture qui est lancée dans l'autoroute, arrive peut-être à 90 km, pas plus. C'était la version station wagon, c'est la version familiale. Ouais. Il y a la coupée, il y a la cabriolet, la décapotable. Et on a voulu aussi la limousine. Alors, on est ici à Kouane, c'est le bâtiment où il y a maintenant un café. C'était avant le café de l'Aigle, c'était les derniers lieux à l'ouest pour boire un brandy, un scotch, un whisky avant de passer à l'est. Avant de passer à l'est. Il y a de la littérature qui dit ici ils sont passés les espions d'un côté à l'autre. The GDR's rulers celebrate the wall as a triumph of the class enemy. Walter Ulbricht has few words to spare on the dead and injured. There were far, far fewer incidents while we took all of our measures than during a typical rock and roll concert in West Berlin's Sportpalast. The 27th of October, 1961, high noon at Friedrichstrasse. American and Soviet tanks face to face at the border. A standoff at Checkpoint Charlie. Si vous rappelez les films de James Bond, Opération Octopus avec Roger Moore, ça se déroule là, ici. Ah oui. Et puis voici maintenant, on le voit, le fameux Checkpoint Charlie. Mais si j'ai bien retenu ce que vous nous avez dit avant, donc c'est pas un original. La version ici, c'est la réplique à l'identique de la Garita. Et c'était placé ici par le musée du mur, Mauro Museum, Checkpoint Charlie. Et donc c'était géré jusqu'à aujourd'hui par des particuliers. Ah oui, privé. Privé. Surtout l'agent qui s'est laissé photographier ici devant, en payant non, pour des comparses, des acteurs, habillés comme des soldats. Ah oui. Maintenant, c'est interdit, ils sont disparus depuis quelques semaines. C'est plus calme. Le problème, c'est que la rue n'est pas très large. Et avec les touristes en plein de la rue, et sans problème pour la circulation. Oui, parce que c'est une rue où on peut circuler. Hein. Il y a des sacs aussi, des sacs de sable, etc. Et la garite US Army Checkpoint, Allied Checkpoint, avec des sacs de sable. Devant, il y a un panneau où il y a écrit en quatre langues, You are leaving the American sector. Vous sortez du secteur américain, c'est écrit en français aussi. Et on voit à côté la photo, un soldat soviétique, direction Est. Là, c'était vraiment pour les gens qui étaient passés ici, il y avait devant l'uniforme. Et de l'autre côté, il y a un soldat américain. Voilà. Mais alors ça, cette photo, ça n'existait pas à l'époque non plus. Non, c'est une œuvre d'art contemporain. Ah, c'est une œuvre d'art contemporain. Oui, c'est un artiste photographe qui s'appelle Frank Thiel, qui l'a photographié en 1993, les soldats alliés, français, anglais, américains, soviétiques, avant qu'ils quittent la ville. Parce que 1993, ils ont quitté milliers et milliers de soldats la ville. Donc ce sont des vrais soldats, en revanche. Ce sont des vrais soldats, c'est documentation, enfin. Ouais. Et puis il y a le musée aussi de Checkpoint Charlie, Mauer Museum, qui est un musée privé. Alors là, c'est intéressant parce que les fondateurs du musée, M. Hildebrandt, 1962, donc quelques mois d'après la construction du musée, décide de louer ici un espace vide et de créer un musée pour documenter tous ceux qui ont franchi la frontière, ils ont passé les murs, avec toutes les fantaisies. Tous les trucs. Tous les trucs. C'est pour la provocation, non? Et par exemple, ici dedans, il y a la voiture Volkswagen transformée, avec caissé dedans quelqu'un. Avec une cachette dedans. Caché dans la voiture. Ou par exemple, petit avion, ou la montgolfière, avec deux familles sont passées avec... Oui, c'est ça, il y a eu des films d'ailleurs là-dessus. Il y a des films, etc. Donc c'est un lieu de documentation. Mais c'est un musée privé. C'est un musée privé, tout à fait. Oui, qui a accueilli énormément de visiteurs. Sur Hildebrandt, il est mort, c'est maintenant géré par la veuve. Une femme russe. Cette musée, quelquefois, un contraste. Il n'a pas la même vision de la ville. Et là, donc, il n'était pas prévu un lieu comme ça. et les touristes cherchant les checkpoints Charlie. Il doit rester quelque chose. Hein. Pour le futur, il est prévu ici de nouveaux bâtiments pour des bureaux, mais aussi un musée de la guerre froide public, pas géré par des particuliers. Oui, on se dit que c'est quand même à l'État aussi de faire naître un lieu de mémoire par rapport à ça. Mais tous les touristes, tous les visiteurs de Berlin passent ici. Hein. Tout. Et c'est sympa à noter que le McDonald's se trouve du côté ouest. Donc c'est parti vraiment de la culture, non? C'était un ancien secteur américain. Et on voit là le McDonald's. Quelques mètres plus avant, à gauche, on voit un bâtiment 3e Reich avec l'aigle sur le toit. Là, c'était un ministère des travaux publics de l'époque du 3e Reich. Berlin se prépare depuis longtemps aux festivités du 30e anniversaire de la chute du mur. On le fête vraiment, c'était comme ça pour les 20 ans. Vous étiez déjà là peut-être pour les 20 ans de la chute du mur aussi, ou vous êtes arrivé juste après les 10 ans? J'ai vu la 2009. Oui, déjà 2009. C'était l'occasion pour demander à les artistes de la East High Gallery de rénover toutes les peintures, et d'après sont été protégées. Cette peinture de la Issa Gallery, expression de liberté, mais sont considérées maintenant monuments, donc c'est impossible pour les artistes même. Ils ont coloré cette mur, les transformer maintenant. Ah oui, elles sont protégées parce qu'à une époque aussi, elles étaient abîmées par les touristes eux-mêmes. Quand ils ne sont pas forcément très intelligents, les touristes. Pas protégées par la loi, mais protégées par quelque chose de résine qui peut être nettoyée très simplement. Oui. Parce que ça continue encore, par exemple, là où il y a l'image topique, l'embrasse entre Brejnev et Honecker, les homophobes, ils ont écrit des mots contre cette embrasse, mais ils sont des ignorants. Mm. Parce que c'était embrasse, pas entre les homosexuels, bien sûr, c'était l'embrasse. À la russe. C'était l'embrasse à la russe, la fraternité entre les politiciens, les chefs du Parti Socialiste, c'était normal. Fidel Castro, il a embrassé Honecker, exactement comme il a embrassé Brezhnev, etc. C'est normal. L'autre côté, derrière, est au contraire libre. D'un côté est protégé, l'autre non. C'est bien comme ça. Ouais. Et donc, pour le 30e anniversaire, sont prévus il y a des expositions, il y a des performances, et il y a des projections, par exemple, sur l'ancien Palais Royal, transformé maintenant, c'est la copie à l'identique du ancien palais royal, s'appelle maintenant Humboldt Forum, le forum de la culture de Humboldt, se trouve sur l'île, devant la cathédrale et le musée. Ils vont projeter des images de l'ancien palais de la République. C'est un grand contraste. Perceptible à travers l'histoire d'un bâtiment, le palais de la République, symbole du pouvoir de la RDA, sa destruction suscite beaucoup de protestations. Reportage Patrice Romden, Michael Avert. Berlin ne manque ni de bâtiments officiels, ni de façades prestigieuses, parmi lesquelles se distingue une curiosité, le palais de la République est-allemande. C'est la relique d'un monde disparu qui, après désamiantage, ne recèle plus qu'un squelette de béton et d'acier. Pourtant, les visiteurs du jour lui trouvent quelque charme. J'étais ici comme invité, j'étais assez jeune le temps-là. J'ai travaillé ici comme musicien. C'était le festival de la jeunesse. C'était très très grand, fantastique. L'ancien palais de la République a été détruit il n'y a pas longtemps alors? Pas du tout, non, je me rappelle très bien, j'ai visité des expositions d'art contemporain là-dedans. Il y avait un festival, c'était un espace énorme, un white cube. À Berlin, à Alexanderplatz. Oui, c'était le congrès du parti, il y avait la fête du 1er mai, c'était le lieu par excellence des grandes manifestations. Et là où il y avait beaucoup d'amiants, ils ont nettoyé, il est resté un squelette, un acier. Et donc ils ont démonté toute cette structure, ils ont vendu l'acier, ils ont organisé un concours d'idées. Il a gagné l'idée de refaire, bâtir les palais royaux de nouveau, mais en lui donnant une autre fonction, musée de l'homme, 2.0, où l'Allemagne nous montre au monde entier qu'il n'y a pas de race supérieure, toutes les races sont pareilles, ça c'est plutôt le concept de ce musée, et ça va compléter l'île musée, parce qu'il y a déjà 5 musées qui traitent l'histoire de l'humanité, hein, de Sumer jusqu'au 19e siècle. Il y a le 6e musée, c'est le musée d'histoire allemande, où l'Allemagne réfléchit sur sa propre histoire, de l'Empire romain jusqu'à la chute du mur. Bon, la ville de Berlin, on va dire, l'a perdue pendant 50 ans un symbole. C'était le Palais Royal. Et c'était dynamité 1950. C'était la volonté politique de l'RDA de détruire un symbole relié avec l'Empire. Maintenant, on revient, 60 ans après, les bâtiments qu'on voit dans toutes les images de Berlin, dans toutes les photos, dans tous les tableaux, il était là, il revient là. Moi, je ne suis pas personnellement très favorable à ce type de bâtiments, cette pastiche, non ? Comme maintenant, il est déjà bâti... Il faut faire avec, il faut se confronter. Ouais. Notre visite se termine, Stefano. C'est un plaisir. Est-ce que vous dites, vous, après 19 ans de vie à Berlin, Ich bin ein Berliner? Ich bin ein Berliner. C'est intéressant parce que ce sont les mots de JFK Kennedy, hein, 63. Il voulait montrer la solidarité, non, donner la solidarité des États-Unis à la ville de Berlin. Mais en fait, il y a un gâteau qui, au dehors de Berlin, s'appelle Berliner. Un gâteau. Vous connaissez? Non. C'est un bulle avec des dents de la marmelade. Ou de la crème. Un beignet. Et oui, le Berliner, c'est un beignet, appelé aussi la boule de Berlin. John Fitzgerald Kennedy aurait dû dire « Ich bin Berliner ». N2 de ce Folgen Sie dem Führer, suivez le mur de Berlin. Grazie mille, danke schön, Stefano Gualdi, notre guide berlinois d'adoption. Vielen Dank, Dr. Stefan Wolle, au musée de la DDR, et Sabine Hamm, bénévole de la communauté catholique francophone de Berlin, pour la traduction. Suivez le guide préparé avec la complicité de l'Office national allemand du tourisme à Paris, Catherine Desnoyers, Marion Artari et Till Palm. Un guide conseillé, le Petit Futé Berlin. Un hôtel conseillé, NH Berlin Alexanderplatz. Les sites internet visiteberlin.de et ddr-museum.de. Ja, das ist Berlin, wenn man sich schön macht, auch wenn's hässlich ist. Das ist Berlin, Berlin, Berlin. Und wenn Stefan plötzlich Stefan